tu sais, hier, là on a fucké l'événement. Hey, c'était des citoyens qui ont payé 1000$ pour aller boire du champagne avec des joueurs de hockey. Juste rappeler aux Femen que la totalité des profits de l'événement d'hier était remis à Moisson Montréal et à la fondation de l'hôpital du Sacré-Cœur. On comprend jamais rien ce qu'ils disent, hein? Ben, c'est parce qu'ils... Faudrait qu'ils se fassent une générale avant. Faut qu'ils se pratiquent à crier en même temps. C'est fou, Red. C'est folle. Et là, inquiète-toi pas. Mais c'est pas ça, une vraie féministe, c'est pas ça. Ben non, ça c'est... Ma blonde est c'est féministe. C'est du flashing, là. C'est... Lise Ravary est féministe. T'es féministe moderne. Ta blonde est sûrement féministe, je veux mais dire. Hein. Mais c'est pas ça, être féministe. Non. Non, ça c'est du niaise. C'est de la débilité. Débilité. Puis inquiète-toi pas, on va les revoir, hein. Parce que la punition qu'ils ont eue, je te jure que ça risque pas de les dissuader. Combien? Rien. En fait, ils ont eu une contravention. Même pas pour désordre, pour avoir résisté ou pour avoir émis un bruit audible. Je savais pas que ça existait, ça. Un bruit audible. Donc un rot, quelqu'un qui rote dans un W, pas avoir étiquette, là. Ben, c'est ça pareil, là. Une contravention, je le lis textuel, pour avoir émis un bruit audible. Moi, je t'annonce que je parle fort, là, je pourrais avoir plusieurs étiquettes par jour. Ils veulent pas faire de controverses, veulent pas brasser de la merde, les polices, encore une fois, ont peur. On va les revoir, inquiète-toi pas, là. Ils veulent pas avoir un lobby sur le dos, là. Le clone de Jim Carrey va être de retour, bientôt, près de chez vous, dans un événement mondain. 11h36.